Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, la légende de Clovis et de Clotilde. Courbe la tête, fier sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. C'est par ces mots devenus célèbres qu'une nuit de Noël, autour de l'an 500, Rémy, l'évêque de Reims, aurait baptisé Clovis, le roi des Francs, le premier des rois mérovingiens. La scène, tirée des profondeurs du haut Moyen-Âge, est grandiose, magique presque. Dans le baptistère parfumé, à la lueur des bougies, sans doute sous le regard bienveillant de son épouse Clotilde, le chef païen s'est avancé au milieu de ses 3000 guerriers. Il s'est dépouillé de ses vêtements et de ses parures barbares. Puis, nu comme un ver, a pénétré dans le bassin pour y être baptisé. Un baptême qui, pour la postérité, allait devenir ni plus ni moins l'acte de naissance de la nation française. En réalité, du roi des Francs et de son épouse, on ne sait pas grand-chose. Mais la légende est belle, très belle, et c'est à travers elle que nous allons tenter de raconter l'histoire de Clovis et de Clotilde. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bruno Dumézil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université, l'auteur chez Gallimard du livre Le baptême de Clovis, 24 décembre 505, point d'interrogation. Un livre donc qui, d'entrée de jeu, pose une question, celle de la date de l'événement, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors depuis très longtemps, le personnage de Clovis passionne, hein, bien qu'on n'en sache pas grand-chose. De quoi est-on sûr ? On est sûr qu'il a existé, ce qui est déjà énorme oui. Par rapport à un certain nombre de ses contemporains. Le roi Arthur serait son exact contemporain, mais Arthur oui. N'a pas existé. Ah, ça on est sûr. Sûr, non, mais quand même une forte proportion de chances qu'il n'ait pas existé. On sait que Clovis était roi des Francs, donc qu'il était actif dans le nord de la France actuelle, au sud de la Belgique également. On sait qu'il a mené des conquêtes et on sait qu'il a fait le choix du christianisme dans sa version catholique, alors que beaucoup de religions étaient disponibles à cette époque-là. Pourquoi cet intérêt pour cet obscur roi franc ? Est-ce que c'est justement parce qu'il s'est converti au christianisme ? Alors c'est parce qu'il s'est converti au christianisme, parce qu'il a été considéré par la suite comme étant le premier des rois des Francs, ce qui n'est pas le cas, et puis aussi parce que le nom de Clovis a donné son nom à toute une série de rois, d'abord les Clovis et puis ensuite les Louis, puisque Louis n'est autre chose que le nom de Clovis qui est orthographié différemment. Lodovicus, c'est le premier des Louis et donc notre dernier des rois aurait dû s'appeler... Clovis XIX. Alors comment est-ce qu'on le connaît, ce Clovis Ier, pendant longtemps ? C'est le récit, je pense, de Grégoire de Tours qui a fait référence et qui l'a fait connaître. Alors, on possède un grand récit qui est composé à peu près un siècle après les faits par un évêque, Grégoire, évêque de Tours, qui nous raconte l'histoire de l'ensemble de la création, mais qui se concentre surtout sur les Francs, et donc on a parfois appelé son œuvre l'histoire des Francs. Et entre tous les Francs, il a une passion pour Clovis, dont il va nous présenter le règne comme étant finalement la réplique du règne de l'empereur Constantin, avec les mêmes gestes, les mêmes moments, les mêmes victoires. Le premier empereur romain chrétien. Voilà. Ensuite, il nous donne malheureusement peu de dates, peu de circonstances. C'est plus un littéraire qu'un historien, dirait-on aujourd'hui, oui. Alors d'abord, Bruno Dumézil, avant de raconter l'histoire de Clovis et de Clotilde, pour bien comprendre, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemblait la Gaule à la fin du 5e siècle ? Alors, et qui sont les Francs aussi ? En 476, le dernier empereur est déposé. L'Empire romain a vécu en Occident. La place est faite à des pouvoirs qui sont moins romains, c'est-à-dire des généraux barbares qui travaillaient pour l'Empire romain et qui se retrouvent un peu seuls. C'est un peu comme si la Légion étrangère se retrouvait aujourd'hui en position de gouverner la France. Est-ce qu'ils sont étrangers ? Est-ce qu'ils sont français ? Ils sont un peu des deux. Et donc on voit en Gaule le roi des Burgondes, mais qui est également généralissime de l'armée romaine, qui occupe toute la vallée du Rhône, le roi des Visigoths, dont la capitale est à Toulouse, qui contrôle toute l'Aquitaine, au nord des Gaules, le peuple des Francs, et puis dans une zone interstitielle du côté de Paris et de Soissons, un général romain résiduel, qui se dit romain, qui s'appelle Siagrius, mais qui n'est pas reconnu par l'empereur qui reste, qui est l'empereur de Constantinople. Donc le royaume des Francs est plutôt situé à l'est de la France actuelle, et qui, la capitale c'est quoi ? C'est Soissons ? C'est Reims ? Il n'y a pas de capitale parce qu'il n'y a pas un royaume. Il y a, on pense, une demi-douzaine de rois des Francs. qui chacun mène sa propre bande dans une vie relativement errante. Donc un espace entre la Belgique, Reims, Soissons, peut-être un peu plus au nord aussi dans les Bouches du Rhin et également en Rhénanie-Moyenne. Et puis il y a Clovis, dont on ignore la première capitale. Et Soissons, alors, évidemment, Soissons fameux pour son épisode du vase de Soissons. Alors Soissons est en théorie contrôlé par ce général romain résiduel qu'on appelle Siagrius. C'est là que Clovis va s'illustrer pour la première fois. C'est là qu'il apparaît dans l'histoire, en fait, vers 486 à peu près, lorsque Clovis réussit à mener la conquête de ce qu'on appelle le royaume de Soissons, et qui est une poche de résistance romaine, en fait. Et quelles sont les croyances religieuses en Gaule à cette époque? Il y a déjà du christianisme. Quelle forme de christianisme? Est-ce qu'il y a encore des croyances païennes? Alors, c'est une mosaïque religieuse, les Gaules. On a des païens romains, donc beaucoup de gallo-romains continuent de croire encore dans leur vieux culte. On a des païens germaniques, dont on ne sait pas trop ce qu'ils croient, à vrai dire. On ne sait pas exactement si Clovis a le culte de Thor et d'Odin. La première mention du nom Odin n'apparaîtra qu'au 7e siècle. Donc, un paganisme du Nord, sans doute. Et puis, des christianismes, puisqu'il y a des chrétiens qui considèrent que le Père et le Fils sont égaux dans la Trinité, d'autres chrétiens qui considèrent que le Fils est inférieur au Père dans la Trinité. C'est l'arianisme. C'est ce qu'on appelle l'arianisme, qui est une religion inventée par les Romains, c'est une hérésie romaine, mais qui a été adoptée par les Burgondes et par les Visigoths. Donc, la quasi-totalité des pouvoirs barbares qui occupent le sud de la Gaule sont des pouvoirs chrétiens, mais jugé hérétique par les autorités romaines catholiques. En Bruno Dumézil, je propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, la légende de Clovis et de Clotilde, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Pascal II. Regarde-moi, à mes pieds, dans la vallée. Vois ce charnier. Tu peux ouvrir le ciel, déverser des torrents de pluie et laver la terre de tout ce sang. Je suis allé au combat sans armure, vêtu d'une peau de loup, de mon casque, brandissant mon épée qui tue mes ennemis en un coup. Tu as décuplé mes forces, Odin. Tu m'as rendu invincible. Ce soir, accueille dans le Valhalla mes guerriers morts au combat. Invite-les au banquet, qu'ils y boivent l'hydromel. Ce soir, Soissons m'appartient. Et mon royaume est deux fois plus grand que celui légué par mon père. En ce jour de 486, Clovis contemple le champ de bataille où son ennemi, Siagrius, dernier représentant de l'Empire romain en Gaule, avait choisi de l'affronter, certain de sa victoire. Mais le jeune roi des Francs est devenu un guerrier expérimenté, que rien ne semble pouvoir arrêter. En battant Siagrius à Soissons, il s'empare d'une vaste région s'étendant de la Loire à la Somme. À présent, fort de sa victoire par les armes, il songe à une autre manière d'étendre sa puissance. Puisqu'il est veuf, il pourrait se remarier et contracter une alliance profitable. Au sud de son royaume, les Burgondes règnent sur un immense territoire qui s'étend de l'Angre à la Méditerranée et du Rhin jusqu'à la Loire. À la cour du roi Gondebaud, sa nièce, la princesse Clotilde, appartient à la communauté chrétienne. En ce jeudi saint à Lyon, devant une des premières églises de la ville, elle fait le mandé, elle lave les pieds des pauvres. Mais son esprit est ailleurs. Clotilde repense à sa rencontre récente avec Rémy, l'évêque de Reims. À quel jeu joue Rémy? Pourquoi me vanter les mérites d'un barbare? Ce Clovis, roi des Francs qui vient de détruire les derniers feux de l'Empire romain à Soissons. Ce doit être un homme terrible. Un barbare qui tue par plaisir, sans peur de la malédiction divine. Je n'ai rien à attendre d'un homme qui se moque de ce qu'il deviendra après sa mort. Il est persuadé que boire de l'hydromel provoque l'extase. Je vais dire à Rémy d'abandonner cette idée répugnante. Pourtant, ai-je vraiment le choix? Je réagis en princesse. En réalité, je ne suis qu'une orpheline vivant chez le roi qui a tué mes parents. Je dois à tout prix fuir l'homme qui, pour régner, a égorgé mon père. Me rapprocher de ce Clovis est peut-être la voie que Dieu a choisie pour moi. Est-ce un hasard ? Clovis, lui aussi, aime prendre conseil auprès de Rémy, l'évêque de Reims. Durant leur longue discussion, Rémy suggère à Clovis d'épouser Clotilde, une chrétienne. Cette alliance aurait l'avantage pour Clovis d'attirer l'attention des chrétiens sans qu'il lui soit nécessaire de se convertir. Et le roi franc pourrait également s'appuyer sur ses communautés, disséminées dans toute la Gaule, pour conquérir de nouveaux territoires. Clovis se rend à Lyon, la capitale du royaume Burgonde. Dissimulé sous le porche d'une église, il attend le passage de Clotilde. Quelle folie venir ici. Personne ne doit me reconnaître. Mon déguisement de mendiant devrait faire l'affaire. Nulle envie de rencontrer le roi Gondebaud. C'est Clotilde que je veux voir. Il paraît qu'en plus d'être un bon parti, elle est d'une grande beauté. Et d'un sacré caractère aussi. Où est-elle? Je ne la vois pas. Mais si je pose les yeux sur cette chrétienne, peut-être qu'Odin se détournera de moi. Comment continuer à vaincre si les dieux ne protègent plus mon armée? Je dois l'épouser, oui, mais ne pas abandonner Thor. Il pourrait me foudroyer de sa colère. Oh, la voici, seule. Eh bien, si j'attendais un signe des dieux, il n'y en a pas de plus clair. Ses longs cheveux blonds, ses yeux couleur de ciel, quelle beauté divine! Belle dame, l'aumône, un pauvre mendiant. Ah non, ne tire pas mon manteau, laisse-moi passer. Belle dame, une piécette. Les dieux vous le rendront. Les dieux? Tu te tiens devant une église et tu évoques les dieux païens? Es-tu bête? J'aurais sans doute besoin d'être instruit sur le dieu qui habite cette maison. Dis-moi, tu manies fort bien la langue pour un mendigo. Et ce manteau est trop long pour être celui d'un pauvre. L'habit ne fait pas l'homme. Alors qui es-tu? Me veux-tu du mal? Est-ce que je dois appeler mes gens? Aucun mal, vraiment. Ce déguisement de pauvre air, c'est juste pour vous parler loin des oreilles de votre oncle. Que me veux-tu? Je suis envoyé par un roi franc. Pourquoi n'envoie-t-il pas un émissaire au château? La demande qu'il souhaite vous faire doit demeurer secrète. Alors viens dans l'église. Cela va paraître étrange si nous restons ici. Non, je ne préfère pas. Que crains-tu? Le dieu, là-dedans. Il sera peut-être mécontent si j'entre. Mon dieu ne foudroie personne. Il accueille sans juger ceux qui viennent à lui. Restons là. Voulez-vous? Très bien. Dis-moi, que me veut ton roi? Il souhaiterait savoir comment serait reçue la proposition d'une union avec lui. Moi? Me marier à un roi païen? C'est un homme de grande valeur. Aussi grande que celle de ce roi Clovis dont m'a parlé l'évêque de Reims? Oui, tout autant. Ton maître, laisserait-il son épouse garder sa religion chrétienne? Il ne s'y opposerait pas. Et nos enfants? Les enfants? Serait-il élevé dans la foi chrétienne? Je ne peux pas me prononcer pour lui, mais je ne crois pas qu'il s'y opposerait. C'est pourtant risqué de heurter son peuple. Du moment qu'il ne se convertit pas, lui, le peuple reste à ses côtés. Ce qui lui importe, c'est votre alliance. Alors tu peux lui rapporter que j'accepte. Vous épouseriez ce roi franc? Vraiment? Oui. Mais il lui faudra agir rapidement s'il veut que son entreprise réussisse. C'est-à-dire? L'ambassade qu'il enverra pour demander notre union sera accueillie favorablement par mon oncle. Parfait. Je connais mon oncle. L'orgueil de cette alliance va l'aveugler quelque temps. Mais rapidement, il va comprendre ce qu'elle représente. Le roi Gondebaud. N'aurez-vous aucun remords à le desservir? Le desservir? L'homme qui a tranché la gorge de mon père et mis une pierre au cou de ma mère avant de la jeter dans le fleuve? Allez, laisse-moi, la messe va commencer. Attendez! Prenez. Que me donnes-tu là? Un anneau en or? Pour un mendiant? C'est un anneau sigillaire, aux armes de mon roi, pour sceller notre accord. Mais ces armoiries, je les connais. Ce sont celles de Clovis. Comme l'a prévu Clotilde, Gondebeau donne son accord à cette union. Sans plus attendre, la princesse quitte Lyon en chevauchant à la tête du convoi, laissant en arrière les chariots transportant ses bagages. Clovis vient à la rencontre de sa future épouse, à Villery, aux environs de Troyes. Si tel est mon destin, si Dieu veut faire de moi l'épouse de cet homme, alors je l'accepte. Ma foi, il a fière allure ce barbare païen. Dans son infinie bonté, le Seigneur ne me met pas à l'épreuve en m'offrant un époux répugnant. Je lui ferai des enfants. Ils seront chrétiens, et quand nous ne serons plus de ce monde, ce royaume barbare sera soumis au Christ. Demoiselle Clotilde, je vous salue. Votre seigneurie, je suis surprise. Votre visage m'est familier. Peut-être m'avez-vous vu en songe ? Je ne crois pas aux songes. Je crois plus au courage d'un roi mendiant prenant de grands risques. Il était protégé par ses dieux. Ou par le mien. Dès notre arrivée, je souhaiterais vérifier le contrat convenu avec vos émissaires. Je voudrais être certaine que nous sommes en accord sur tous les points. Déjà dans les affaires. Après 6 jours à cheval. Par Odin, voilà la preuve d'un sacré caractère. Auriez-vous souhaité une pucelle délicate comme épouse ? Que les dieux m'en préservent. Je veux une famille forte. Et pour cela, il faut une mère puissante. J'ai une faveur à vous demander. Laquelle ? Les terres que je viens de quitter sont bien burgondes ? Oui. Les miennes commencent ici. Pourriez-vous ordonner qu'on les brûle à 12 lieues à la ronde ? Il en sera fait selon vos désirs. Venez, vous avez besoin de repos. Après le départ de sa nièce, Gondebeau se rend compte soudain de la portée de ses actes. Il a fait périr père et mère de Clotilde et précipiter ses frères au fond d'un puits. Si Clotilde conquiert Clovis, elle deviendra une femme redoutable et sans aucun doute voudra venger ses parents. Gondebeau envoie alors son armée à sa poursuite. Mieux vaut une querelle avec Clovis que régner sous la menace d'une vengeance. Mes guerriers ont mis toute la région en feu. Ainsi, les hommes que votre oncle a lancés à votre poursuite pourront lui rapporter ce qu'il en coûte de vouloir reprendre une épouse promise. Merci, mon roi. Je vous rends grâce, Dieu Tout-Puissant. J'assiste au commencement de la vengeance de mes parents et de mes frères. Clovis a fait de Soissons la capitale de son royaume. Il peut ainsi contrôler tout le nord de la Gaule. Et c'est ici, au début des années 490, qu'il célèbre son mariage avec Clotilde. La veille des noces, Clovis convie sa future épouse dans la chambre de parement de leur maison romaine. Au centre de la chambre, trône un grand coffre chargé de ferronnerie. Des pièces d'or, des bijoux, des parchemins dans des étuis de cuir. Expliquez-moi. Tout ceci est pour vous. Bijoux, actes de propriété de terre, de demeure à travers tout mon royaume. C'est ce que vous allez verser à mon oncle comme dot ? Ah non, votre oncle a eu son dû. Tout ceci est pour vous. Vous pourrez le gérer à votre guise. Et il sera gain de survie au cas où il m'arriverait malheur. Clovis, je suis très... Il y a une condition, mais je ne doute pas qu'elle sera tenue. Quelle est-elle ? Pretium virginitatis. Alors ce trésor est bien à moi. Car je suis vierge. Il le serait jusqu'à notre nuit de noces. J'ai hâte que nous soyons mariés. Dès que nous aurons convenu des derniers détails. Comme ? Je veux que mes enfants soient élevés dans la foi chrétienne. Ils le seront, je vous l'ai promis. Quand ils hériteront de la couronne, ils ne pourront pas être d'une religion différente de leur peuple. Sommes-nous bien d'accord ? Nous le sommes. Un jour, votre royaume sera donc chrétien. Un jour, mais le plus tard possible. Accordez-moi une longue vie à vous aimer et à vous chérir. Ce sera là mon plus grand bonheur. Moi, Clovis, fils de Childéric Ier et de la reine Basine de Thuringe, je te prends, Clotilde, pour femme. Moi, Clotilde, fille de Chilpéric II et de la reine Carétène, je te prends, Clovis, pour mari. Nous voici mari et femme. Le banquet n'en finissait pas. Ouh, je crois que j'ai bu trop de vin. Tiens debout, Clovis. Au moins jusqu'au lit. J'irai à genoux s'il le faut. Hé, hey, que t'arrive-t-il? Pourquoi courir? Il faut échapper aux Leudes. Les Leudes? Qui est-ce? Les seigneurs guerriers qui m'ont prêté allégeance. Pourquoi les fuir? Ils peuvent se montrer envahissants, juste par jeu. Quelqu'un monte l'escalier. Viens, prenons ce couloir. Doucement, avec ma coiffe, ma robe, je ne peux pas courir. Enlève-les. Mais... vite, ils s'approchent. Nous n'arriverons jamais à nous en débarrasser. Adieu, Mydnos. Ce qu'ils veulent, c'est chanter et boire toute la nuit avec moi. Je déchire ma robe. Adieu, robe, adieu, coiffe. Te voilà en chemise et en cheveux. Tu te déshabilles aussi? Oui. S'ils trouvent mes vêtements, ils n'oseront pas continuer. Et s'ils continuent? Eh bien, je n'aurai que mon épée pour masquer notre nudité. Clovis? Oui? Tu as dépassé notre chambre. Dans la cour, je ne l'ai pas vue. Viens. Ne bouge plus. Tu es si belle à la lumière des flambeaux. Quitte ta chemise. Est-ce que les Leudes existent vraiment? Je t'assure, ils me sont très fidèles. Nous étions vraiment poursuivis. Qu'importe. Seul compte le désir, cette course. Et comme récompense, toi, nu. Clovis, peux-tu poser ton épée? De toute façon, elle ne masque plus rien. Viens. Viens, ma reine. Le mariage prononcé est gage de paix avec les rois burgondes. Et il permet à Clovis, en épousant une princesse de lignée supérieure, d'acquérir le rang d'un roi influent. Dès la première année, Clotilde donne à Clovis un héritier, Ingomer, et comme convenu, il est baptisé. Attends, avant qu'on les rejoigne, raconte-moi comment cela va se passer. Que crains-tu? Il n'arrivera rien à ton fils. Dis-moi quand même. Rémi va verser de l'eau sur le front d'Ingomer et le faire entrer dans la maison de Dieu. De l'eau? Oui. Le Fils de Dieu a été baptisé dans les eaux d'une rivière de Galilée. Il sera alors chrétien? Oui. On ne naît pas chrétien, on le devient. Ingomer deviendra le premier roi chrétien. Si Dieu lui prête vie. Pourquoi dis-tu ça? Ton Dieu aurait la cruauté de me reprendre mon fils? Il nous met parfois à l'épreuve. Qu'il ne s'avise pas de me voler mon fils. Allons, viens. Aujourd'hui, c'est fête. C'est ce baptême qui l'a tué. Un dieu? Ça, un dieu? Reprendre mon fils dans ses habits de baptême? Qu'il soit maudit. Imposteur. Tu devais le protéger, tu l'as tué. Odin et Thor, eux, l'aurait conduit à l'âge d'homme. Cette eau est un poison. Regarde, Dieu chrétien, ce que tu as fait de ta fille Clotilde. Ses yeux bleus sont devenus gris. Son teint de lumière a la couleur de la vase. Et ses larmes ne cessent de couler. Odin, Thor, accepter le repentir d'un père aveugle. Clotilde. Je suis là. Allons, relève-toi. Arrête de prier, viens voir. Quoi donc ? Ton fils. Ton fils. Il est... Non ! Vivant ! L'œil aux aguets. Il tète le sein de sa nourrice, sans reprendre respiration. Viens voir. Il n'est pas de plus beau spectacle. Alors laisse-moi encore prier pour remercier Dieu. Regina Kailila est arrêtée. Alléluia. Quiaquem meruisti portare. Alléluia. Resurrexit, sicut dixit. Alléluia. Ton cheval. Oui. Tu seras enterré avec ton cheval. Et mon or, et mes bijoux. En quoi est-ce étonnant ? J'en aurais besoin pour galoper dans les prairies avec Odin. Sur son cheval à 8 jambes. 8 jambes ? Tu auras du mal à le suivre ? Ton cheval n'en a que 4 ? Serais-tu en train de te moquer ? Jamais. Mais vois-tu, si tu croyais en mon Dieu, tu partirais seul et il t'offrirait la vie éternelle. Où ça ? Au paradis, dans le ciel. On y chasse ? On y fait la fête ? On y boit jusqu'à plus soif ? On y déguste des mets délicieux ? Tu n'en aurais plus besoin. Tu seras esprit. C'est un jardin merveilleux, où poussent toutes sortes de plantes et de fruits délicieux, et où on vit en harmonie avec tous les animaux. Un jardin dans le ciel et des loups pour amis. Tu seras proche de Dieu dans sa lumière. Sinon... Sinon ? Si tu as été meurtrier, si tu as commis l'adultère, si tu as blasphémé, c'est en enfer que tu iras. Meurtre ? Adultère ? C'est donc là qu'est ma place. Et c'est comment l'enfer ? Des flammes éternelles. Tu brûleras à tout jamais. Mais quel bonheur, après toute cette grisaille. Ces pluies qui ne cessent pas, ces hivers à pire fendre, vite. L'enfer, vite. Clovis ! Quoi ? On ne plaisante pas avec ces choses. Chaque jour, tu essayes de me convertir, mais aucun de tes arguments n'est convaincant. Tu devrais parler à Rémi. J'aime beaucoup mes discussions avec l'évêque de Reims. On dresse des plans à n'en plus finir sur la manière de rassembler toutes les fractions de la Gaule. Mais pas un mot de ma conversion. Ce n'est pas comme si... Attends. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Mais tu as bien dit que tu irais en enfer à cause de l'adultère ? Tu veux dire que... Allons, Clotilde. Tu sais, ce sentiment nouveau que j'ai découvert avec toi. Donne-lui un nom. Respect ? Non. Admiration ? Non. Vénération ? Tu ne vénéreras que ton Dieu. Pourquoi n'oses-tu pas le mot ? Est-ce honteux pour un roi ? Pour un guerrier franc ? Non. Alors ? Amour. Voilà. Tu es la seule et l'unique. Je ne prendrai pas une autre épouse, ni de favorite. Il n'y aura que toi. Tu vois que l'on peut être un, et n'aimer qu'un. Un seul Dieu. Comment n'y aurait-il qu'un seul Dieu, alors que le monde est si vaste ? Les eaux, la terre, le feu, la beauté, la guerre, il faut partager. Toi-même, tu cherches à réunir, à rassembler. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose pour le Créateur ? Il est plus facile de t'aimer que de créer le monde. Pourtant, avant moi, tu n'avais pas aimé. Alors pourquoi ne pas croire en un unique ? Essaye, tu verras. Et que deviendra le chef de guerre que je suis pour mon peuple, si je n'ai plus la faveur de nos dieux ? Si je me détourne d'eux ? Si tu apprends à prier, Dieu t'écoutera, et tu seras vainqueur. Il exaucera ta prière. En 496, au-delà du Rhin, des tribus germaniques se rassemblent et forment la Confédération des Alamans. La Gaule, toute proche, est une terre riche et très tentante. Les Alamans, forts d'une alliance avec les Burgondes, la famille de Clotilde, deviennent redoutables et très nombreux. Ils finissent par franchir le Rhin et s'emparent de Cologne, le cœur du royaume franc rhénan qui borde à l'est celui de Clovis. Cette bataille est trop lourde! Non, je n'arrive plus à la soulever. Allons, je t'ai donné l'épée la plus légère. On reprend. Voilà qui est bien joué. Tu n'aurais plus qu'à appuyer un peu plus pour me transpercer. Pourquoi veux-tu que j'apprenne à me battre? Geneviève de Lutèce a su empêcher les Huns et Attila d'envahir sa ville. Par des paroles. Mais j'ai peur que ce ne soit plus suffisant. Tu dois savoir te défendre. Crains-tu les Alamans à ce point? Non. Ils sont encore loin. Mais je sais comment les barbares peuvent progresser vite. Il faut les bloquer. Alors tu vas aller guerroyer avec des Francs de Rhénanie. J'ai conclu une alliance avec Sigebert. Je me dois de lui porter secours. Auras-tu le temps de lever une armée assez nombreuse? Il faut l'espérer. Quand pars-tu en guerre? Dès demain. Nous allons repousser ces barbares et ensuite... Ensuite, il faudra sans doute punir les Burgondes qui se sont alliés à eux. Combattre Gondebeau? Je serai à tes côtés. Continue à m'apprendre l'épée. Ta vengeance ne sera jamais rassasiée, n'est-ce pas? Qu'il aille en enfer! Oh! Doucement! La roche te rend redoutable. Tu as failli briser mon épée. Trouve-t'en une plus solide. La fureur te rend encore plus belle. Tes yeux n'ont rien à envier aux éclairs de Thor. Et tes lèvres sont gonflées d'un sang si rouge. Lâche cette épée. Viens. Où? Viens. Viens. Clovis et ses guerriers partent pour l'Est. Quand ils arrivent, Sigebert, le roi franc rhénan, est en mauvaise posture. Il est blessé au genou et ne peut plus combattre. Clovis prend alors la tête de tous les guerriers francs et se lance dans la bataille à Tolbiac, l'actuelle Zülpich en Allemagne, à une trentaine de kilomètres de Cologne. Odin, dieu de la guerre, viens-nous en aide! Donne-nous la force de combattre. Ils sont si nombreux. 5000 de plus que nous. Ils frappent, éventrent, décapitent sans limite. Regarde les guerriers face contre terre. Regarde les rivières de sang. Entends les hurlements. Odin, n'abandonne pas les tiens. Odin, ne sois pas sourd à mes prières. Ils nous encerclent. Sans toi, nous sommes perdus. Ils se rapprochent. Oh, vous, Dieu Haz, venez-nous en aide. Thor, frappe. Que le ciel s'ouvre et déchaîne sa colère. Odin, père de tous, pourquoi te détourner de tes fils? Nous sommes perdus. T'es mort. À perte de vue. Les 640 portes du palais d'Odin ne seront pas suffisantes pour accueillir mes guerriers morts. Tout est perdu. Adieu, Clotilde. Sois maudit, Odin! Que ton fils Thor soit maudit aussi! Clotilde avait raison. Dieu Haz, vous n'êtes que des légendes. Il ne peut exister qu'un seul dieu, le sien. Oh, toi, Dieu des chrétiens, entends ma prière. Je cherche ces mots que prononce ma femme. Seigneur, je te glorifie, à toi, Père éternel. Je serai ton serviteur, Dieu tout-puissant. Mais accorde-moi la vie. Et je... Mais qu'est-ce... Le roi! Le roi des Alamans! Une flèche lui a percé la gorge. Il s'effondre. Ces guerriers, ils sont pétrifiés. Leurs dieux les ont abandonnés. Ils hésitent. Ils faiblissent. Ils renoncent. Ils reculent. On porte le corps de leur roi. La victoire! La victoire est à nous! Vite, à genoux. Et priez Dieu. Le remercier, lui offrir, m'offrir à lui. Ah. Que je sois pendu si nous ne voulons pas te faire un nouveau fils. Les enfants de retour de la guerre sont les plus valeureux. Alors celui-là sera un grand guerrier. Raconte-moi. Raconte-moi encore. Déjà trois fois. Je ne me lasse pas de cette histoire. Le combat perdu, la flèche, la victoire. Ce n'est pas cela qui t'intéresse. Quoi d'autre alors ? La prière. Celle que j'ai faite à ton Dieu. Vas-tu tenir ta promesse ? Me convertir ? Pas seulement. En laissant la vie sauve aux soldats alamans, tu as fait preuve de vertu chrétienne. Mais à présent, il faut davantage. Il faut te faire baptiser. Si je me fais baptiser, tout mon royaume va basculer dans la chrétienté. Mais mon peuple l'acceptera-t-il, sans se révolter ? Fais courir l'histoire de la bataille de Tolbiac. Qu'on la chante sur les places des villages, que les ancêtres la racontent aux veillées. Le peuple comprendra ta conversion, et il sera avec toi. La Gaule sera à moi. As-tu choisi une date pour ton baptême ? Rappelle-moi le jour où est né le Fils de Dieu. Le 25 décembre. Alors ce sera ce jour-là. J'irai... Qu'y a-t-il ? Pourquoi regardes-tu mon blason avec cet air soucieux ? Tu ne peux pas te faire baptiser avec des symboles païens sur toi. De quoi parles-tu ? Tes armes avec ces trois crapauds ne peuvent être celles d'un roi chrétien. Je ne vais quand même pas mettre des croix sur mon blason. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Regarde cette statue de Marie, la mère de Jésus. Elle tient contre elle une brassée de lys. Choisis le lys comme emblème sur un fond aussi bleu que le voile de Marie. Voilà un bel emblème. Trois lys sur un bleu azur. En ce jour de Noël 496, les rues de Reims sont couvertes de banderoles blanches ou colorées. Des fenêtres pendent des étoffes ou de lourdes soieries brodées qui flottent au vent. Chacun a revêtu ses plus beaux atours dans les couleurs les plus recherchées, le bleu ou le pourpre. La foule se presse vers la cathédrale. Tu vois où tu m'as conduit. Je ne suis pas seule dans ta conversion. Non, bien sûr, mais sans toi, je n'y serais pas parvenue. C'est grâce à... Tu sais, ce sentiment que tu me portes. Ce mot t'écorche toujours la bouche. Cela s'appelle l'amour. Et même un guerrier peut l'avouer. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. D'ailleurs... Oui. Un jour, il faudra que tu me prennes comme épouse devant Dieu. Notre mariage ne te suffit pas ? Si. Il est suffisant pour notre séjour sur Terre. Mais pas pour l'autre. Le royaume céleste ? Oui. Je veux y être toujours l'épouse de Clovis. Jusqu'à la fin des temps. Mes enfants marchent derrière moi. Eux aussi convertis et baptisés. Rémi nous attend au pied de l'autel. Mes derniers pas comme barbares. Odin, Thor, Baldur, Njord, Freyr, Tyr, vous tous, Dieu Haz, je vous dis adieu dans cette maison chrétienne. L'Empire romain n'est plus. Et sur ses ruines, je veux élever un royaume qui couvrira toute la Gaule. Mais ce rêve, je ne peux l'accomplir en restant avec vous. Vous êtes des dieux mortels. Je veux un Dieu éternel et unique qui m'ouvrira les portes de la gloire ici-bas et celle du ciel quand il sera temps. Je m'agenouille devant son représentant et je quitte mes colliers de pierres précieuses, preuve de ma vénération pour vous. Dieu Az, je vous remercie de m'avoir conduit jusqu'ici. Il est un temps pour toutes choses, un règne pour tout roi. Le mien commence, le vôtre s'achève. Moi, Clovis, je renonce au dieu païen, à Satan, et je demande à entrer dans l'église de Dieu pour que ma foi m'apporte la vie éternelle. Je reconnais que le Fils et le Saint-Esprit sont égaux au Père. Dans l'enceinte de la cathédrale de Reims se pressent les représentants des royaumes de la Gaule, mais aussi 3000 soldats de l'armée de Clovis. Dès que leur chef sera devenu chrétien, ils seront à leur tour baptisés. Rémi et les autres évêques viendront à leur rencontre pour oindre leur front avec le Saint-Crème, un mélange d'huile d'olive, de baume de Judée et de parfum. Le peuple franc, rassemblé pour ce baptême, découvre une nouvelle liturgie à laquelle progressivement il va adhérer. Mon roi, mon amour, quitte tes vêtements et pénètre dans le bassin vêtu de ta tunique blanche. Que Rémi puisse te baptiser et te faire entrer dans la demeure de notre Seigneur. Désormais, tu ne seras plus un simple chef de guerre élu par ses hommes, mais un guerrier roi, désigné par Dieu. Tu auras de grands pouvoirs. À toi le reste de la Gaule, l'Aquitaine et sa richesse. Dieu devra fermer les yeux sur certains de tes actes, car il te sera impossible de renoncer à tuer tes adversaires. Il vaut mieux, parfois, trancher que de laisser le mal empirer. Et quand tu auras conquis toute la Gaule, tu lègueras ton royaume à nos fils. Alors, ils deviendront mon bras armé et auront à cœur de venger leur mère du meurtre de sa famille. Voilà. Tout ce que j'ai souhaité se réalise. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'est de t'aimer au-delà de l'amour conjugal et d'être aimé en retour. La légende de Clovis et Clotilde de Jean-Benoît Patricot avec Clovis, Florent Houillet, Clotilde, Jade Fortineau. Bruitage Patrick Martinache, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Éric Villenfin, assistante à la réalisation Alexandra Garcia Villa, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez France Inter, autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on continue de parler de Clovis et de Clotilde avec mon invité, l'historien Bruno Dumézil. I see some troubles heading my way, but I don't care at all. I see a problem coming to me, but I'm not scared at all. I know them well, they know me well, they come and go before you know. I am their friend, they don't pretend. We disagree about my misery. I see a huge storm of hail. To the sky I give a five. I cannot words say what the hell. Then I keep calm and die. I dance with worst, worst dances with me. He smiles at me, I love for us both. We dance a vals, we dance a twist, with a nice swing, once or twice. With all the love, without the pain, I accept you all. refrain, 'cause you at least my love is. You give me all, expecting nothing in return. I ride along the highway of life, weaponless, no gun, no knife. Just like a doll, I can't control matters, feelings and stripes. I love my issues, give them and tissues that I usually use to wipe my tears. Collect them one by one, accepting all that's gone. This is madness and fun without complaints. Without the love, without the pain, I accept you all. Meriem Abouloafa, Welcome Back to Me sur France Inter. Autant en emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Vincent Godard. Bruno Dumézil, difficile bien sûr de savoir comment les Francs, les Burgondes se parlaient, s'aimaient, quelles étaient aussi les relations à cette époque entre les hommes et les femmes. Mais est-ce qu'on peut en tout cas imaginer que Clovis se soit converti par un mélange d'amour, d'intérêt politique et voire de convictions religieuses aussi tout simplement? Alors l'amour pour Clovis, qu'éprouverait Clotilde peut-être? Mais disons que la première apparition de Clotilde date des années 560. C'est trois générations après l'histoire que pour la première fois, quelqu'un mentionne que Clotilde aurait eu un rôle auprès de son mari. Bon, il faut remarquer que les femmes ont rarement un beau rôle dans l'histoire. Mais là, elle a un très beau rôle, c'est elle qui convertit. Mais évidemment, c'est tellement a posteriori que c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. De toute façon, Clotilde n'est pas la première épouse de Clovis. Mm-hmm. Il avait eu une première épouse avec qui il a un fils, Thierry Ier, qui est l'héritier principal. Et ensuite, il épouse Clotilde à une date incertaine. Donc, elle a peut-être un rôle dans le baptême, on ne sait pas trop. Et cette conversion de Clovis, est-elle sincère ou est-elle purement opportuniste, politique ? La notion de sincérité, c'est un peu le XVIIIe siècle qu'il a inventé en matière de religion. Jusque-là, c'est l'affichage qui compte. Si vous vous déclarez chrétien en public, vous êtes chrétien. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme ? Est-ce que c'est la façon de rejoindre tous ces sujets? Clovis vit dans des Gaules qui sont à 95% déjà chrétiennes. Il appartient à un peuple qui déjà est très largement chrétien. Il y a beaucoup de Francs chrétiens. Donc, est-ce que c'est simplement ce mouvement d'ensemble? Est-ce que derrière, il y a des calculs très précis? On n'en saura rien. On n'a pas assez de sources sur le baptême de Clovis. Et le rôle de Clotilde, le rôle des femmes, même dans la société franque, est-ce qu'on en connaît quelque chose? Alors, c'est un moment d'opportunité pour les femmes. La fiction mentionnait la figure de Sainte Geneviève, patronne des Parisiens, qui est effectivement une contemporaine de Clovis. Elle a rencontré Clovis. C'est une dame qui a vécu très vieux. Elle a vécu jusqu'à plus de 80, presque 90 ans. Et elle a effectivement eu un rôle politique, spirituel, très important. Il faut voir que les cadres de la société romaine se sont effondrés. Et donc, les femmes, n'étant plus tenues par les cadres légaux, peuvent jouer un certain rôle. Au niveau civique, comme Sainte-Geneviève, en tant que reine, comme Clotilde. Clotilde, en tant que femme de Clovis, n'est sûrement pas grand-chose. Mais en tant que mère des enfants de Clovis, va assurer la régence pendant pratiquement 10 ans. Et c'est le grand siècle des femmes, finalement. Cette fin 5e, début 6e siècle, où on a de grandes figures. Pensez à l'Italie. L'Italie va avoir une reine. Le seul moment de son histoire où elle est dirigée par une reine, c'est à l'époque ostrogothique. Alors la fiction laisse penser que passer du paganisme au christianisme, c'est renoncer à une forme de barbarie, de violence, c'est parler plus d'amour. Est-ce que ça vous semble quelque chose de véridique? Enfin, c'est vrai qu'on est dans un monde violent. On est dans un monde violent, indiscutablement. Le Haut Moyen-Âge est un monde violent et où on parle sans cesse de paix. C'est ça qui est paradoxal, c'est que les textes que l'on a conservés chantent l'amour, la paix, le calme, alors que les gens, objectivement, n'arrêtent pas de s'entretuer. Les deux ne sont pas contradictoires, parce qu'on va chercher des références dans la Bible. Or, la Bible vous donnera autant d'arguments pour massacrer les infidèles que pour faire la paix avec votre voisin. Donc, selon le moment, selon le choix, on peut tout justifier. Est-ce qu'il y a une rupture avec le paganisme ? Comme on ne connaît rien du paganisme franc, mais absolument rien, on ne connaît pas les dieux, on ne connaît pas la mythologie, on peut tout envisager. Ce que l'on constate simplement, c'est que l'amour qui est mis en scène par Clovis aurait été au VIe siècle perçu comme un sentiment très négatif. On n'a pas d'amour pour sa femme. On a de la dilection. La dilection, c'est positif. C'est un sentiment d'entente mutuelle. Le seul amour qu'on peut avoir, c'est pour Dieu. D'accord. Et donc le terme « amour » entre les humains aurait été perçu comme une horrible chose par Clotilde. L'aboutissement de cette histoire, c'est le baptême de Clovis. À quelle date alors ? Ça, c'est le grand débat des historiens. Alors, c'est les historiens, pendant un siècle et demi, se sont amusés à essayer de dater le baptême de Clovis. Il faut voir que le seul document contemporain que l'on possède est une lettre d'un évêque qui n'est pas venu, qui dit que ça a dû bien se passer et qui regrette de ne pas être là. Mais il n'y a pas la date, il n'y a pas le contexte. Donc à partir de quelques petites allusions contenues dans cette lettre, on a essayé de situer, à mon avis, situer précisément est impossible, soit tôt, c'est-à-dire dans les années 490, soit tard, dans les années 500, au milieu des années 500. Et pourquoi le baptême de Clovis n'a pas marqué les contemporains ? Alors, il ne marque pas les contemporains parce que les rois barbares sont des girouettes confessionnelles. Ils n'arrêtent pas de changer de religion. Les rois des Suèves de Galice ont changé 5 fois de religion en 25 ans. Donc, tout le monde sait que les rois peuvent faire des choix religieux qui sont plus ou moins diplomatiques. Hein. C'est une façon de montrer qu'on est proche de l'Empire romain ou pas proche de l'Empire romain. Et puis aussi peut-être parce que dans le cas des Francs, les Francs sont très proches du christianisme et depuis longtemps. On connaît depuis la fin du IVe siècle de nombreux chefs francs qui sont chrétiens. Les Francs ne sont pas des barbares qui débarquent soudainement du fin fond de la Bohême. Hein. Ils sont là quand même depuis un siècle et demi. Donc, ils savent ce que c'est qu'une église. Le père de Clovis était certes païen, mais il a été enterré à moins de 400 mètres d'une cathédrale. Et on sait que le père de Clovis a financé l'église et a même donné des exemptions d'impôts pour les évêques. Donc, on est dans un monde où la marche va en faveur du christianisme. La vraie question, c'est de savoir si ça sera le christianisme catholique ou l'hérésie arienne, c'est-à-dire l'idée que le père est plus puissant que le fils. Et ça, c'est jugé important pour les contemporains. Donc, ce baptême de Clovis, les rois de France en ont fait leur mythe originel. C'est ça qui intéressait, justement, les historiens qui se sont intéressés au baptême de Clovis. Ou est-ce que plus tard, c'est devenu l'idée d'une nation française ? On en fait le mythe originel à plusieurs reprises dans l'histoire. À la fin du VIe siècle, quand les descendants de Clovis connaissent quelques défaites militaires, on leur dit « Souvenez-vous de Clovis, c'est lui qui a tout gagné parce qu'il est devenu chrétien ». Donc c'est l'idée que le royaume est un royaume chrétien. Au IXe siècle, l'archevêque de Reims va dire « Non seulement Clovis a été baptisé, mais il a été sacré ». Et donc on va inventer l'idée qu'il y a un rituel du sacre qui apparaît vers 500 avec Clovis. Parce que là, ça justifie la place que Reims occupe dans les géopolitiques du royaume, c'est la ville du sacre. Et puis ensuite, à partir du XIIIe, XIVe siècle, on va dire que Clovis a inventé la monarchie française qui passe de père en fils. Au moment où la guerre de Cent Ans pose d'énormes problèmes pour la transmission, on va dire que c'est Clovis qui a fait la loi salique, qui a interdit aux filles d'hériter, et que donc le symbole des fleurs de lys, le symbole même de la France, a été inventé par Clovis. Ça serait le blason de Clovis, blason qui n'a jamais existé, représentant des crapauds, qui auraient été transformés miraculeusement en fleurs de lys par Dieu au moment de son baptême. Donc le mythe, il est là, et il revient de temps en temps dans l'histoire quand on en a besoin. Merci beaucoup Bruno Desmézil. Votre livre « Le baptême de Clovis, 24 décembre 505, point d'interrogation » est paru dans la collection « Les journées qui ont fait la France » chez Gallimard. Plus récemment, vous avez dirigé le livre « Les barbares » paru au PUF. Vous êtes l'auteur également d'une BD « Les temps barbares de la chute de Rome à Pépin le Bref » avec Hugues Micole pour les dessins, édité par la revue Dessinée dans la collection « Histoire dessinée de la France ». Voilà, c'est la fin d'Autant n'importe l'histoire. Vous pouvez la réécouter sur notre site franceinter.fr. Vos remarques sont les bienvenues, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, changement complet d'époque et de style. Nous serons en compagnie de l'écrivaine Colette. En 1907, Colette, qui s'est séparée de son époux Willy, fait scandale au Music Hall avec sa maîtresse Mathilde de Morny et commence à vivre de sa plume en signant de son propre nom. Colette, je veux faire ce que je veux. C'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, ne manquez pas Modern Love de Nadia Dame.